Chapitre 10e. Lorsqu'à minuit, M. Moret et Josette arrivèrent chez les Ledru, la fête battait son plein. Rue de Presbourg, la circulation était difficile. Les voitures prenaient la file, marchant au pas, avançant péniblement, avec une énervante lenteur et tournant dans la grande cour entre deux haies de sergents de ville. Jusqu'au dernier moment, Josette avait hésité à aller au bal. Mais M. Moret avait tant insisté qu'elle s'était décidée à l'accompagner pour éviter la discussion qu'elle voyait poindre. Un costume de gitane accentuait sa singulière beauté. Gitane bien fantaisiste, tout en gros soie bourrue d'un blanc laiteux. Ses lourds cheveux noirs étaient bizarrement tordus. Une écharpe brodée d'argent plaquait la tunique sur les hanches. Le comte, après avoir successivement essayé 5 ou 6 costumes, avait fini par adopter l'habit rouge et la culotte courte. L'hôtel de M. Ledru est immense, majestueux et cossu. Ce que le financier parvenu ayant tassé de dorures, de glaces, de mosaïques, de statues et de tableaux, généralement mauvais, est inimaginable. Partout, jusque dans les plus insignifiants détails, la richesse s'étale brutalement sans art, pour le seul plaisir de s'étaler. La foule encombrait déjà le grand escalier à fresques peintes sur fond d'or éclairé ce soir-là à la lumière électrique. Assis au premier étage, sur la rampe, les jambes pendantes dans le vide, Dammartin, en polichinelle de la comédie italienne, interpellait gouailleusement les arrivants et regardait avec complaisance les grappes de femmes étagées sur les marches. À la porte du salon d'entrée, M. Ledru et sa fille recevaient leurs invités. Lui, en habit noir, sa face glabre de laquais émergeant d'un col trop haut, déjà fripé par la chaleur. Elle, séraphiquement belle en Marguerite de Faust, ses longs cheveux blonds nattés tombant jusqu'aux genoux. « Comme vous venez tard, » dit-elle en serrant la main de Josette, tandis que son regard, passant par-dessus la jeune femme, allait se poser sur M. Moret. M. Ledru arrondit le bras et s'adressant à la comtesse, « Voulez-vous me permettre de vous conduire dans le salon japonais ?» C'est là qu'est le dessus du panier. Vous allez voir ça, vous m'en direz des nouvelles. Il y a chez les Ledru le salon japonais, comme aussi les salons Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et Empire, la salle à manger Louis XIII, en chêne sculptée et vieille tapisserie, et la galerie Renaissance de rigueur. Monsieur Ledru a dit au tapissier en renom, « Arrangez-moi ça comme vous l'entendrez, qu'il y en ait pour tous les goûts et que ça soit distingué surtout un... » Et le tapissier, voyant qu'il avait affaire à un parvenu de la pire espèce, a compris qu'il devait, pour se mettre à sa portée, meubler l'hôtel le plus banalement du monde. Tout est luxueux, confortable, on sent que ça a coûté beaucoup d'argent, mais il n'y a aucune note personnelle, et il est impossible de soupçonner la présence d'une femme dans la maison. Les salons que traversa Josette étaient encombrés de costumes superbes. La plupart des invités avaient le visage découvert, mais néanmoins la comtesse rencontra quelques loups, mantis épaisses, voiles de gaze et de dentelle, ou têtes grimées absolument méconnaissables. Ce que M. Ledru appelle le dessus du panier était effectivement réuni dans le petit salon japonais. Josette aperçut en entrant un futur souverain, fils de roi, de passage à Paris depuis quelques semaines. Sous le nom de comte de Brixen, l'Altesse parcourt l'Europe. Joyeux vivant, bon prince dans toute l'acception du mot, le comte s'amuse partout où il en trouve l'occasion, sans beaucoup se soucier de la qualité des milieux qu'il daigne honorer de sa présence. En habit, sans croix ni ruban, une fleur à la boutonnière, il causait gaiement avec Madame Har, plus majestueusement belle que jamais. L'énigmatique étrangère était en sphinx. Une cuirasse d'écailles bronzées moulait la taille et les hanches, découvrant totalement les épaules et les bras. Une sorte de coiffe brillante entourait son front, avivant l'éclat de ses grands yeux sombres. Le prince semblait captivé de telle façon que Dammartin avait pris le sage parti d'aller attendre dans l'escalier la fin d'un entretien qui menaçait de se prolonger. Madame de Jurieu, en Manon Lescaut, était en conférence sérieuse avec le baron Jassy, le gros Hutler et le comte Sinaï. Vous voyez, disait le baron, aucun des gens honorables du conseil n'est ici ce soir. On lâche Ledru. Ça ne signifie rien. Le prince ne va que dans son monde, rien d'étonnant à ce qu'il ne soit pas ici, car entre nous soit dit, cette petite fête est charmante, mais un peu mêlée. Et puis, le conseil ne peut vraiment pas lâcher le dru aujourd'hui, là, en conscience. Eh bien, vous verrez si je me trompe, appuya le baron, tandis que le visage pâle de Madame de Jurieu s'illuminait à l'espoir de la culbute probable de l'Alliance universelle. Au fond du salon, Madame de Guibray, adorablement jolie sous le casque de Minerve, papotait d'une voix douce avec plusieurs femmes relativement bien posées que leurs maris, pour des raisons financières et politiques, amenaient chez Ledru, où elles venaient à contre-cœur et se sentaient dépaysées. Plusieurs fois, André de Lalonde était venu rôder autour de la marquise, implorant un regard. Elle n'avait pas semblé se douter de sa présence. La Gardie, debout dans l'embrasure d'une porte, racontait à Madame de Villefranche, admirable en vestale, une histoire qui paraissait l'égayer prodigieusement. Quand il eut installé Josette, M. Ledru retourna occuper sa place à l'entrée des salons. En le voyant revenir, sa fille prit le bras du comte Moret resté près d'elle et lui dit tout bas, l'entraînant en riant vers la grande salle à manger encore déserte. « Allons nous promener. J'en ai assez à la fin de rester vissé contre cette porte. Papa ne s'en ira pas, lui, pas de danger. On lui a dit qu'il viendrait encore des gens sans invitation, comme la dernière fois, alors il guette. » Et, devenant câline, « Comment me trouvez-vous ce soir ? Vous êtes la plus belle et aussi la plus aimée. Est-ce vrai, ça, au moins ? Ne le savez-vous pas ? Si, pourtant, cette fille, pauvre Fanny, elle qui me sert de paravent seulement. Mais tu sais bien que je t'adore, » dit M. Moret s'inclinant vers elle. Instinctivement, la jeune fille se retourna pour voir si personne n'avait pu entendre. Elle tressaillit et serra le bras du comte. Un grand domino de satin flamme de ponche à reflets changeants les avait rejoints. Il était impossible de deviner son visage, entièrement couvert de satin, à l'exception de ses yeux, de grands yeux de gazelle, qui apparaissaient voilés seulement d'une dentelle. Très surpris, le comte se remit vite et s'approchant du domino qui se dirigeait vers le buffet sans paraître les voir. « Où vas-tu ? » Le domino, sans s'arrêter, répondit d'une voix étouffée par l'étoffe qui lui couvrait le visage. « Tu es trop curieux. » Et entrant dans la galerie où on dansait, il se perdit au milieu des valseurs. « Il nous espionnait, » dit Geneviève, très inquiète. « Que non, j'ai peur que si. Qui est-ce ? Une femme laide, sans nul doute. Elle est trop soigneusement bitouflée pour être jolie. » « Une femme, » dit Geneviève pensive. « Êtes-vous sûre que ce soit une femme ? Elle est si grande, et ses épaules sont hautes et carrées. Parbleu, des talons échasses et un domino engonçant pour être bien méconnaissable. » « Je ne la vois plus, » reprit Mademoiselle Ledru. « Je voudrais pourtant savoir. Désirez-vous que je la cherche ? Que je la fasse parler ? Je saurai peut-être qui elle est et si elle a entendu. Oui, je vous en prie, je ne suis pas tranquille. » « Voici justement M. de Luxeuil qui vient réclamer une valse que je lui ai promise. À tout à l'heure. » Tandis que Luxeuil emmenait triomphalement sa danseuse, M. Moret se mit à la poursuite du domino flamme de ponche. Il le rejoignit dans la galerie. Mélancoliquement adossé dans un coin, le domino regardait danser. Pour la seconde fois, le comte l'interpella. « Toujours seul. Tu vois. Veux-tu causer ? Ça dépend. Es-tu amusant ? Et toi, es-tu jolie ? On le dit. Es-tu libre ? Jamais. Bigre, est-ce que je te connais ? Personne ne me connaît, je viens ici pour la première fois. Ah bah, alors tu ne sais pas qui je suis ? Pas précisément, mais je te devine à moitié. À moitié, c'est trop ou pas assez. Eh bien, donne-moi ta main, et je te saurai tout entier. Oh, tu es donc sorcière ? Dit M. Moret en tendant la main. Peut-être. Répondit le domino qui l'a pris dans les siennes, ganté jusqu'au-dessus du coude de gants parfumés, et dit, après l'avoir attentivement examiné, « Tu es marié ?» Le comte fit un signe affirmatif. « Tu as aussi une liaison, c'est-à-dire deux liaisons. » M. Moret regardait le domino avec une certaine méfiance. Il demanda, voulant plaisanter, « Trouves-tu que ce soit trop ?»« Non. Mais au lieu de courir, tu ferais mieux de surveiller ta femme. » Le comte haussa les épaules, Le domino reprit. « Ta femme qui te trompe ?» Il attendit un instant pour voir l'effet produit et se sauva en lançant ces deux mots. « Avec André !» Surpris et furieux, M. Moret voulut le retenir, le rattraper. Mais il lui glissa entre les doigts et disparut dans la foule, remontant vers le salon d'entrée. Mais il fut arrêté par un incident assez drôle. Le petit de Chabanis, absolument gris, venait d'entrer. Il arrivait sans invitation selon son habitude. Bon petit garçon, pas plus bête qu'un autre, mais un brin toqué, il s'amusait depuis quelque temps à raconter partout, d'un air majestueusement prud'homesque, qu'il ne consentirait jamais à se faire présenter à ce vieux filou de Père Ledru, mais que, trouvant ses bals fort beaux, il aimait à y aller et n'en manquait pas un. Effectivement, il arrivait un peu tard, évitait soigneusement de rencontrer les maîtres de maison et s'amusait de tout son cœur, par cette raison toute simple, expliquait-il, qu'il pouvait se tenir plus mal que chez les gens de sa connaissance. Ses propos ayant été rapportés au Père Ledru, il s'était promis de guetter l'insolent jusqu'à l'aurore s'il le fallait. Il n'attendit pas aussi longtemps, et vers 1 heure, au moment où le petit de Chabanis, rose comme une pomme à cidre, l'œil humide et la bouche en cœur, posait un pied confiant sur son seuil, il le cueillit au passage. D'abord, un peu saisi, le jeune homme retrouva vite son étonnant aplomb, et M. Ledru lui demandant sévèrement « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Il répondit d'un air gracieux « M'amuser, j'espère ?»« Monsieur, » s'écria le financier indigné et toujours majestueux, « on ne vient pas chez moi sans y être invité. Vous pas dîner. Je ne vous connais pas, moi. Eh bien, monsieur, vous perdez beaucoup. Je suis charmant, dans l'intimité surtout. « Sortez !» cria le père Ledru exaspéré. « Là, vrai, vous avez tort, » reprit le petit de Chabanis avec le tranquille entêtement des ivrognes. « Je ne consomme pas et j'orne. » Plusieurs personnes s'étaient approchées pour écouter. On riait. La grande silhouette du comte de Brixen se dessina dans l'encadrement de la baie qui conduit au salon japonais. Le petit de Chabanis l'aperçut. « Monseigneur, » appela-t-il, « que votre Altesse daigne intercéder pour un fidèle compagnon de jeu près de l'honorable président de l'Alliance. » D'Étiole, pensant qu'il était temps d'intervenir, s'avançant et prenant Chabanis par le bras. « Allons, viens, » dit-il impérieusement. Cette fumisterie a assez duré. Et l'emmenant, il fendit la foule, amassée autour d'eux. M. Moret se faufila à leur suite, profitant du passage ouvert, inspecta rapidement l'escalier, descendit au vestibule, remonta, parcourut de nouveau tous les salons, redescendit encore, et ne vit pas le domino flamme de punch. Comme il remontait, définitivement cette fois, pour rendre compte de sa mission à Geneviève, il croisa l'aréole qui descendait. « Est-ce que vous partez ?» demanda M. Moret. « Pas encore, mais je voudrais respirer, si c'est possible. Il fait là-dedans une chaleur. Et vous, est-ce que vous arrivez ?»« Nous sommes là depuis 1 heure. »« J'ai eu le plaisir d'apercevoir Madame Moret. » »« Je ne dis pas de la saluer, car vous savez sans doute que... »« Oui, je sais, il y a une pique. Vous êtes probablement venu la voir un jour où elle avait ses nerfs. » Et le souvenir de Josette le ramenant au domino, le comte ajouta « Dites donc, l'aréole, vous n'auriez pas par hasard aperçu un domino aux flammes de punch ?»« Si, très grand, n'est-ce pas ?»« Immense. Je le poursuis sans parvenir à l'atteindre. C'est le rassemblement causé par ce pochard de Chabanis qui me l'a fait manquer. »« Eh bien, je l'ai vu, votre domino. J'ai même voulu le faire parler, mais ça n'a pas pris. Qui est-ce ?» Si je le savais, je ne courrais pas après lui. Vous êtes dur. Ce doit être une belle gaillarde, solidement charpentée, en juger par ce qu'on devinait. Vous avez toujours aimé les grandes femmes. Il s'agit bien de ça, dit M. Moret agacé. Où est-il? Le domino? Mais dans un des salons, je suppose. Et voyant M. Moret s'éloigner, l'aréole lui cria « Bonne chasse !» En se retournant, il se trouva nez à nez avec Lagardie qui, d'un air étonné, « Déjà revenu ?»« Eh bien, vous n'avez pas été long à vous glisser dans votre habit rouge, vous. »« Moi ?» fit l'aréole jouant l'étonnement. « Comme si je ne vous avais pas reconnu, là, tout à l'heure. » J'étais retenu au journal horriblement tard, et au moment où j'arrivais, je me suis heurté à un impétueux et impénétrable domino. Quand je dis impénétrable, j'excepte les yeux sur lesquels j'ai failli m'emballer. Peste ! Les jolies femmes doivent rudement vous les envier, ces yeux-là. Par bonheur, j'ai reconnu à temps à qui ils appartenaient. En vous arrêtant, je vous aurais gêné, car vous sembliez pressé. Mais vous avez des hallucinations, mon cher Lagardy. Je suis arrivé ici à minuit et je n'ai pas bougé. Je suis trop discret pour insister, dit Lagardy, se reculant pour laisser passer Madame Moret, qui arrivait au bras du comte de Brixen. En apercevant l'altesse, Dammartin abandonna sa rampe et s'écria plaisamment, se précipitant tête baissée dans le salon. À moi le tour. Il est mal élevé, mais drôle, ce marquis de Dammartin, dit le prince à Josette. Ne raconte-t-on pas qu'il veut épouser Madame Har? Oh, épouser, je ne crois pas, monseigneur. Ah, c'est vrai. Vous autres Français, vous n'épousez que quand vous ne pouvez faire autrement. C'est que nous ne divorçons pas non plus comme vous pour un oui ou pour un non, monseigneur. Vous chassez demain avec nous, comtesse? Demain? Mais oui, nous chassons chez vous. Le comte a organisé une battue à laquelle il a eu l'aimable pensée de m'inviter, et je comptais bien vous y voir. À une battue? Jamais, monseigneur. Je ne chasse pas à tir. Je ne savais même pas qu'on chassait demain. Mais oui, nous sommes très nombreux. On m'a nommé le baron Jassy, le comte Sinei, M. Zutler, le prince de Kildare, M. Chatou, le marquis de La Réole, M. Ledru. Oh! Fit Josette surprise. Votre Altesse royale va chasser avec ces gens-là. Et pourquoi donc pas, comtesse? Mais parce que ce sont des tripoteurs d'affaires, plus ou moins douteuses, des individus dont la situation sociale est indécise. Oh, cela m'est égal. Je rencontre souvent moins bien que cela. Oui, dans les tripots. J'aime beaucoup le jeu, comtesse, presque autant que la chasse, et j'ai pour principe de ne jamais regarder les mains qui tiennent les cartes. Ne comprenez-vous donc pas que l'on agisse ainsi? Non, monseigneur, répondit sincèrement Josette. Le prince sourit. Oh, vraiment! On m'avait bien prévenu que vous êtes fort original. Tiens, fit la comtesse surprise. « Qui donc a parlé de moi à votre Altesse ?»« Un de vos meilleurs amis, qui est aussi un des miens, le vicomte de l'affaire. » Josette entendit ce nom avec joie. Elle attendait presque celui d'André, pensant que sa carrière avait pu le rapprocher du comte de Brixen. Tout heureuse de voir qu'il s'agissait de monsieur de l'affaire, elle questionna. « Où donc avez-vous connu Pierre, monseigneur ?»« J'ai voyagé avec lui aux Indes pendant un an. » Vous voyez qu'il est difficile de connaître davantage quelqu'un. Il était très triste à cette époque. Je me suis tout de suite attaché à le distraire, mais je n'ai pas réussi. Il souffrait d'un mal profond, un chagrin d'amour. « Hein ?» dit d'un ton indifférent Josette, dont le cœur se serra. « Oui, c'est un mal que vous ignorez, n'est-il pas vrai, comtesse ? Et vous, monseigneur ? Moi aussi, je l'avoue. Vous comprenez ? » continua le prince d'un air bonhomme. Nous sommes des privilégiés, nous autres. Sans être bien séduisants, nous obtenons toutes les faveurs souhaitées. Tout nous est trop facile, et cette excessive facilité a été le très grand inconvénient de calmer nos désirs avant même qu'ils soient exaucés. Vraiment, dit Madame Moret, souriant, malgré elle, de la fatuité naïve avec laquelle le prince parlait de ses bonnes fortunes royales. Mais oui, répondit-il, cela vous étonne, comtesse. « Beaucoup, » dit Josette en riant. « Dites-moi, » reprit le comte de Brixen, « est-il donc vrai que cette grande femme blonde, costumée en Minerve, qui était près de vous tout à l'heure, ait épousé le marquis de Guibray ?»« Oui, monseigneur. »« Épousée complètement ? Ou comme monsieur de Dammartin épousera madame Har ?»« Tout ce qu'il y a de plus complètement. »« Oh, ce pauvre marquis !» Il est venu chez nous autrefois comme deuxième secrétaire à l'ambassade, et il était aimé de tous. Pardon, monseigneur, dit Josette, très intriguée, mais tout à l'heure votre Altesse a paru surprise que monsieur de Guibray ait épousé sa femme, et maintenant encore vous venez de dire, pauvre marquis, pourquoi donc cet étonnement et cette pitié? Oh rien, un souvenir. Un souvenir de Mercedes? Mercedes. dit interrogativement le prince. Josette se reprit. « De madame de Guibray, veux-je dire. »« Ah !» ricana le comte de Brixen. « Elle s'appelle Mercedes à présent. »« Au fait, je me souviens. C'est à Madrid qu'elle est allée habiter. » « Je vous en prie, monseigneur, expliquez-vous plus clairement. »« Non, non, vous questionnerez l'affaire, il vous renseignera. »« Monseigneur, monsieur de l'affaire a vu avant-hier madame de Guibray dans ma loge à l'opéra. Il lui a rappelé qu'il l'avait autrefois rencontrée, mais elle ne s'est pas souvenue de lui. »« Parbleu, elle est très forte. »« Comme votre Altesse, il a semblé surpris du mariage de monsieur de Guibray, mais sans vouloir s'expliquer davantage. » « Je le reconnais bien là, ce l'affaire, toujours chevaleresque. Eh bien moi, qui n'ai pas pour me taire les mêmes raisons que lui, je vais vous dire qui est cette belle madame de Guibray que tout le monde admire. Car il est plus fâcheux pour vous, comtesse, de vous montrer à l'opéra avec une telle femme que pour moi de chasser avec des financiers tarés. » Madame de Guibray, née Annie Straubach, fut épousée par un brave garçon de vieille noblesse, officier dans notre garde et aide de camp de mon oncle, le grand-duc Herbert. Il rencontra cette fille, Dieu sait où, et l'épousa contre la volonté de sa famille. Comme bien vous le pensez, il dut quitter l'armée et se trouva, sans carrière et sans le sou, car il n'avait pas reçu de dot, avec une femme qui voulait le luxe à tout prix. Leur maison devint une maison de jeu, et ils gagnèrent quelque argent. Mais ce fut même insuffisant pour payer les toilettes de la belle Annie. Alors, elle avisa promptement un moyen de gagner davantage et reprit, pour son propre compte, le métier qu'elle avait fait jadis étant au gage des autres. En apprenant cette nouvelle infamie, le mari se brûla la cervelle et Annie devint la femme à la mode, notre plus élégante horizontale. On dit ainsi en français, n'est-ce pas? C'est à cette époque que j'envoyais l'affaire chez elle. Lorsqu'au retour de l'Inde, il voulut bien s'arrêter quelque temps dans notre triste pays. Plus tard, j'appris qu'ayant amassé 300 ou 400 000 francs, chez nous c'est beaucoup pour ces demoiselles, Annie s'était, moyennant une forte somme, fait adopter par une vieille espagnole de bonne maison et qu'elle avait été s'établir à Madrid comme jeune fille à marier. « C'est effectivement en Espagne que M. de Guibray l'a épousée, » dit Josette, stupéfaite. « Pauvre Guibray, il ne se doute guère que sa femme est cette fameuse Annie dont il a tant entendu parler là-bas. »« Mais c'est affreux, » murmura Josette. « Affreux s'il apprenait la vérité, » reprit le comte de Brixen. « Mais tant qu'il croit être le mari d'un ange, il est très heureux. Ces femmes-là ont souvent soif de vie honnête, et quand elles ont de l'argent, elles peuvent s'accorder ce luxe-là. Elles l'ont bien gagné, les malheureuses. » J'ai cependant cru remarquer tout à l'heure, dans le jardin d'hiver, que madame de Guibray parlait d'à peu près à un beau garçon, fort élégant, ma foi. « André, » dit machinalement Josette. « Pardon, vous disiez, comtesse ?» demanda le prince, n'ayant pas compris. « Je disais que ce monsieur est monsieur de Lalonde. » « Le diplomate ?»« Précisément, monseigneur. » « Ah, on le dit fort intelligent et en passe d'arriver à un poste élevé. » continua le prince. « Il fera sagement de se garer d'Annie. Elle est fatale. »« Mademoiselle Ledru aussi doit être fatale. Elle me glace, malgré sa beauté. » Ils arrivaient près de la fère, qui, debout dans l'embrasure d'une porte, regardait danser un menuet. Le prince l'appela. « Eh, la fère, voyez-le donc, comtesse, perché dans son coin comme un grand oiseau triste. Qu'est-ce qu'il attend ?» « J'attends, répondit le vicomte, que madame Moret veuille bien me donner une valse. Il est 2 heures et il me semble qu'à 7 heures avancée, un vieux comme moi peut valser. »« Tenez, dit le prince, je vous confie la comtesse, à condition que vous allez intercéder pour moi. J'ai une ridicule envie de danser un bout de cotillon, de le causer plutôt. Obtenez que la comtesse m'accorde cette danse. » Josette ouvrait la bouche pour refuser. Un regard de Pierre l'arrêta. Elle répondit « Votre désir est un ordre, monseigneur. » « Je ne l'entends pas ainsi, » fit gentiment le comte de Brixen. « Je ne veux en rien contrarier vos projets, comtesse. Réfléchissez en balsant. Pendant ce temps, je vais faire ma cour au baron Jassy. On dit que c'est une puissance avec laquelle il faudra prochainement compter. » L'orchestre jouait une valse moderne, étrange, saccadée, fatigante à suivre. « Voulez-vous partir malgré cette horrible musique ?» demanda Pierre. « Mais oui, » dit Josette en riant. « Si vous attendez qu'on joue Indiana ou les gardes de la reine, vous attendrez longtemps. » « C'est que je ne la trouve pas entraînante, cette musique de l'avenir. N'importe, essayons. » Monsieur de la Fère est un excellent valseur, et la comtesse éprouva un vrai plaisir à valser avec lui. Il la reposait de ses danseurs ordinaires. La jeune génération valse assez bien, mais pas finement. La génération précédente, celle des hommes de 35 à 40 ans, est à ce point de vue très supérieure. Pierre glissait rapidement, sans secousse, évitant les chocs et les arrêts brusques, et Josette s'abandonnait confiante, suivant les mouvements, appuyant bien sa taille souple contre le bras qui l'entourait. Ils valsèrent longtemps. Monsieur de la Fère n'avait jamais senti la jeune femme aussi à lui. Il se laissait aller au bonheur de la serrer dans ses bras, oubliant qu'avec la valse, ce bonheur allait finir. « Ah, voilà une vraie valse !» dit Josette, lorsque la musique cessant, ils furent forcés de s'arrêter. « Vous êtes fatigué ?»« Du tout. Vous savez, je ne vous quitte plus. »« Je suis trop contente de vous avoir trouvé. »« Et moi donc ?»« Je ne croyais pas que vous iriez chez les Ledru. »« Moi non plus. » »« C'est le prince qui a demandé une invitation. »« Il tenait à m'avoir, ne sachant pas s'il rencontrerait des gens de connaissance. »« Ah, le fait est que vous détenez joliment ici, tous les deux. » Au milieu des rastaquaires, des financiers borgnes et de... À propos, le prince m'a raconté l'histoire de madame de Guibray. Ah, ça ne m'étonne pas, il ne peut pas tenir sa langue. Oh, dit Josette, je ne suis pas bavarde, et d'ailleurs l'amitié que j'ai pour Guibray m'empêcherait de parler. Qu'est-ce qu'il vous a encore raconté, le prince? Je parie qu'il vous a fait la cour. Pas encore. Ça viendra. Vous savez qu'il est très redoutable. « Je ne le redoute pas. »« Pourquoi ?»« Parce qu'à présent, je ne redoute plus personne. »« Ah, vous êtes plus malade encore que je ne le croyais. » Josette entraînait Pierre vers le petit salon. « Tournons à droite, voulez-vous ? Je vois à deux pas ma tante de Jouan, et ça m'ennuie de lui dire bonsoir. »« Tiens, vous lui parlez donc ?»« Il le faut bien, je la rencontre partout. La situation est très gênante. » Lorsque nous nous trouvons nez à nez, je la salue et ça se borne là. » La baronne de Jouan, en domino, mais sans loup, était assise dans le grand salon Louis XV. Tous ceux qui entraient ou sortaient défilaient forcément devant elle. Elle examinait les physiques, détaillait les costumes, supputait les âges et les fortunes, et apprenait adroitement ce qu'elle intérêt à savoir. Elle causait pour l'instant avec le duc d'Étiol, auquel elle faisait admirer les nombreuses perfections de Mademoiselle Geneviève Ledru, qui, devant eux, dansait un quadrille. « C'est tout à fait la femme qu'il vous faut, » disait Madame de Jouan. « Je ne trouve pas, » répondait d'Étiol, accentuant en parlant le sifflement impertinent qui lui est familier. « Mais dans tous les cas, je ne serai pas du tout le mari qui lui convient. » « Et pourquoi donc cela ?»« Parce qu'elle est trop riche, pour qu'on me la donne, et trop mal née. » pour que je la demande. » Et comme Madame de Jouan faisait un mouvement de surprise, le duc reprit vivement. « Entendons-nous. Quand je dis mal née, je ne parle pas de l'origine. J'épouserais, si ça me chantait, la fille d'un balayeur, à condition que le balayeur fût un brave homme. Mais la fille du père Ledru, ah non. » Madame de Jouan se tut, et d'Étiol, qui ignorait que la vieille femme fit métier de marier les gens, demanda naïvement. « Mais quel intérêt avez-vous donc à me faire épouser cette jeune fille ?»« Aucun, » répondit Madame de Jouan d'un ton pointu. « Je pensais vous rendre service, voilà tout. » Elle se leva d'un air de reine offensée, et acceptant le bras que le duc se crut obligé de lui offrir, alla rejoindre Monsieur Ledru, qui prenait le frais dans le jardin d'hiver. En la voyant approcher flanquée du jeune homme, le visage blafard du père Ledru s'éclaira, et dès que d'Étiol se fut éloigné, il lui dit d'un air triomphant « Eh bien, sa mort ?»« Ah oui, » répondit la baronne furieuse, « il ne veut pas en entendre parler. » « Parce que ?» interrogea le père Ledru, désappointé. « Parce qu'à ce qu'il dit, on n'épouse pas votre fille. » Le financier blêmit davantage encore. « Il a dit ça ? » grommela-t-il. « Eh bien, il me le paiera. » Madame de Jouan voulut le calmer. « Voyons, raisonnons paisiblement, » dit-elle d'un ton persuasif. « On trouvera un autre mari à Geneviève. Il n'y a pas que celui-là. »« Tenez, que diriez-vous de monsieur de Luxeuil ? Il est vicomte et d'aussi vieille souche que les Détiol, à peu de choses près. »« Pouah ! Enfin, je ne dis pas absolument non. Nous verrons ça. » Seulement, il est bien entendu que cela change totalement le taux auquel je dois rétribuer vos bons procédés. « Oh !» fit Madame de Jouan, terrifiée, regardant anxieusement autour d'eux pour voir si personne n'avait entendu. Monsieur Ledru fut trompé par cette exclamation. Croyant qu'elle protestait, il reprit avec volubilité « Mais cela va sans dire. Nous avons traité pour un duc très honorable et vous voulez me coller un vicomte qui ne l'est pas. Allons donc, faut pas la faire à papa, celle-là. » Son teint s'allumait, son accent faubourien lui revenait par bouffées. « Vous ferez ce que bon vous semblera, » dit Madame de Jouan. « Je ne me mêle plus de rien. »« Oh, Madame la Baronne !» supplia Ledru, devenant soudain obséquieux. « Seulement, » continua-t-elle d'un ton incisif, « si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous dépêcher de marier votre fille, parce que d'ici à peu de temps, elle pourrait bien n'être pas un très bon parti. » Puis, d'un air gracieux, elle se tourna vers un monsieur en costume sévère qui la saluait profondément et ne daigna plus accorder à Ledru la moindre attention. « Depuis quand êtes-vous de retour, mon cher Duplan ?»« Depuis hier, madame, » répondit le nouveau venu, restant gauchement planté devant elle, gêné par sa fraise trop raide et son pourpoint de velours noir trop étroit. « Monsieur Hubert Duplan est un homme d'environ 45 ans, frais, joufflu, grassouillet et gonflé d'importance. Fils d'un maquignon de la plaine de Caen, et en dépit de cette origine, ne connaissant rien aux chevaux, le jeune Hubert abandonna la carrière paternelle et fut chercher fortune au loin. Successivement mineur au Pérou, colporteur, déchargeur de bateaux à New York, il alla en dernier lieu s'échouer à Tunis où il devint commissionnaire en marchandises. Ayant, à défaut d'intelligence, une finesse normande et une ténacité que rien ne peut abattre, il fit rapidement fortune et sut se rendre tout à fait indispensable au bey. Chargé par lui des commissions les plus délicates et les plus imprévues, Duplan s'en acquitta fort bien, paraît-il, et fut nommé pacha en reconnaissance de ses bons et loyaux services. Revenu en France depuis un an à peu près, possédant une dizaine de millions qu'il n'a ostensiblement volé à personne, Hubert Duplan est dévoré du désir d'être reçu dans le grand monde, et surtout de s'y marier. Il est juste de dire que ses idées sur le grand monde sont assez vagues, puisqu'il considère la maison du directeur de l'Alliance universelle comme le rendez-vous de toutes les élégances. S'il pouvait se faire inviter aux fêtes de la princesse de Gordes, joindre à ses nombreuses décorations la Légion d'honneur, et épouser une jeune fille de grande maison, il ne souhaiterait plus rien. Vaniteux, ignorant comme pas un, sottement confiant en lui-même, et malgré tout bon garçon, Hubert Duplan, il tient beaucoup à son prénom d'Hubert, qu'il trouve très aristocratique, commet à chaque instant des maladresses stupéfiantes, sans se douter que ses élégants amis se moquent de lui. Dieu sait pourtant qu'il ne s'en prive guère. Ils sont une bande à laquelle il sert de cible. Lagardy et M. de Scaer, surtout, sont impitoyables, et M. Ledru lui-même le maltraite en acceptant avec empressement ses capitaux. Duplan, sur lequel la baronne de Jouan a jeté son dévolu pour le marier, dès qu'il est apparu dans le monde, est touché jusqu'aux larmes de la bienveillance dont cette grande dame veut bien l'honorer, et le jour où la baronne lui présentera la carte à payer, il sera froissé dans ses plus douces illusions. « Vous arrivez de Nice ?» demanda Madame de Jouan. Duplan s'apprêtait à répondre. Lagardy, qui s'approchait suivi de M. de Scaer, ne lui en laissa pas le temps. « Parbleu, Nice ne pouvait se passer de lui au moment du carnaval. Il n'est question que de lui dans les récits des fêtes. Son yacht par-ci, ses fusils par-là, et ses chevaux, ses voitures, tout ce qu'il a, enfin. À la bataille de Fleurs, on reconnaissait ses bouquets entre mille, tant ils étaient plus beaux que ceux des autres. » « Et il ne pouvait pas rester là-bas. Il a fallu qu'il arrivât tout exprès pour nous éclipser ce soir, dit M. de Scaer d'un ton sérieux. Duplan protesta. « Oh, un costume, tout simple !» Et il ajouta, confidentiellement, « Je vous avouerai même que je regrette de m'être costumé. Je vois qu'il est beaucoup plus comme il faut d'être en habit rouge ou en manteau vénitien. » « Eh bien là, vrai, c'eût été dommage de ne pas mettre ce costume, » reprit Lagardy, l'examinant d'un air d'admiration. « Il est très réussi. On voit qu'il doit être d'une exactitude. De quelle époque est-il au juste ?»« Je suis en amiral Coligny, » déclara Duplan. « Au commencement, j'ai hésité. Oui, je ne pouvais me décider à représenter cet homme assassiné. Je trouvais ça triste. » C'est demain, je parie, que vous allez nous sortir un joli costume pour chasser chez mon neveu, dit l'oncle Jean. Quelque chose d'épatant, hein? Vous savez, le comte de Brixen est de la battue. Vraiment? Murmura Duplan saisi. Vous me présenterez? Il y aura les Jassy, Sinaï, Zutler, le prince de Kildare, dit M. de Scaer, continuant son énumération pour éviter de répondre à la question posée. Ah, le prince de Kildare? « J'ai précisément quelque chose à lui demander. Vous me présenterez, n'est-ce pas ?» Lagardy éclata de rire. Cette phrase « Vous me présenterez » revient tellement souvent dans la conversation de Duplan, toujours désireux de faire ce qu'il appelle des connaissances utiles, qu'elle est passée à l'état de si dans un certain milieu. Un peu déconcerté, le parvenu se retourna vers Madame de Jouan. « Imaginez-vous, Madame la Baronne, que j'ai pour 500 000 francs d'alliance, et je pense qu'il serait peut-être prudent de vendre. » Il n'est plus temps, répondit la vieille femme. Sapristi, s'écria Duplan, et tournant brusquement le dos à la baronne, il s'élança à la recherche de M. Ledru pour lui demander des éclaircissements. Pauvre diable, dit Lagardy, le voyant arrêté par l'aréole, il va se faire taper d'une autre somme, probablement. Il était 3 heures. La cohue diminuait un peu. Josette causait toujours avec M. de la Fère lorsqu'André s'approcha d'elle. « Peut-on encore vous demander une valse ?»« Non. Je suis fatiguée. Et comme j'ai promis le cotillon, je me repose. » Instinctivement, sans bien se rendre compte de ce qu'elle éprouvait, elle refusait de danser avec M. de Lalonde, tout simplement pour conserver la douce impression causée par la valse précédente. « Je vais saluer Madame de Villefranche, qui me regarde d'un air furibond, » dit M. de la Fère, cherchant un prétexte pour s'éloigner discrètement. Josette allait le retenir, mais déjà André lui avait offert son bras. « Voulez-vous au moins, à défaut de valse, m'accorder un instant de causerie ? » demanda-t-il doucement. « Depuis plusieurs jours, je désire vous parler. » Et se dirigeant vers la serre déserte, « Asseyons-nous là-bas. Nous serons mieux loin de la foule. » M. Moret venait à eux. Il les croisa sans s'arrêter, leur lançant un singulier regard. Quand ils furent passés, il fit un mouvement pour les suivre, puis s'arrêta, inquiet, hésitant. À ce moment, M. Ledru lui posa la main sur l'épaule. « Monseigneur veut vous parler, » dit-il, montrant le prince qui attendait à quelques pas. Force fut à M. Moret de se rendre à l'appel de l'altesse. Dans la serre, Josette s'était assise sur un fauteuil de bambou. André, attirant une pile de coussins, s'assit près d'elle. « Qu'avez-vous donc de si important à me dire ?» demanda insouciamment la jeune femme. « Je veux avoir avec vous une explication franche. »« Ah, bah !»« Ne soyez pas mauvaise. » »« J'ai agi inconsciemment, poussé par je ne sais quelle invincible puissance. J'étais fou. »« J'espère pour vous que vous l'êtes encore. Écoutez. » « Mon cher André, toute explication est pénible et inutile. Je sais, je comprends, sans que vous me l'expliquiez, ce qui s'est passé en vous. Mais vous avez cru m'aimer, jusqu'au jour où vous avez reconnu que je suis l'ami d'enfance, presque la sœur, tandis que Madame de Guibray est la femme. Votre cœur se trompait, et je l'aidais à mon insu à faire fausse route. Vous étiez toujours pour moi le prince charmant de notre première entrevue. Je m'abandonnais à cet amour de petite fille, sans penser qu'il existait d'autres amours. Josette, je vous ai dit ce que vous aviez à me dire, n'est-ce pas? Oh, ne protestez pas. Vous avez ouvert les yeux, et telle est l'entente qui règne entre nous que les miens se sont ouverts aussi, presque à la même heure. vous êtes adorablement bonne. Répétez-moi encore que vous me pardonnez sans arrière-pensée. Je vous pardonne sans arrière-pensée. » Josette disait vrai. Elle pardonnait franchement à André, et là, seule, près de lui, dans cette atmosphère chargée de parfums violents, elle n'éprouvait pas le plus léger trouble. Le cœur et les sens restaient froids, et lui semblait que le chagrin des jours passés était un mauvais rêve. « À présent que nous sommes redevenus bons amis, dit-elle, laissez-moi vous donner un conseil, je vous en prie. Je puis, n'est-ce pas, vous parler sans embâge, puisque grâce à vos maladresses successives, votre passion est connue de tout le monde. Mais prenez garde à Guibray. Non seulement il adore sa femme, mais il a pour elle un culte presque religieux. Il sera terrible pour celui qui brisera son idole lorsqu'il le découvrira. Ma chère, dit tout à coup d'une voix railleuse M. Moret s'avançant dans l'allée, je suis désolé de vous déranger, mais le cotillon commence et le prince vous cherche de tous côtés. Il cherche mal, répondit Josette en souriant. Et se levant, elle rentra dans le salon, sans remarquer l'air sombre et préoccupé de son mari. Après avoir vainement parcouru le bal sans retrouver sa danseuse, le comte de Brixen s'était résigné à l'attendre à la place choisie par lui, dans l'immense cercle de sièges destiné à asseoir les danseurs du cotillon. Monsieur Ledru aperçut le prince installé paisiblement sur un excellent fauteuil. Aussitôt, il s'élança, radieux. « Comment, monseigneur, votre Altesse va danser le cotillon ?»« Si vous le permettez, monsieur Ledru. »« Oh, monseigneur, mais c'est vous. C'est votre Altesse, veux-je dire, qui va le conduire, avec ma fille. Elle sera bien heureuse de... »« Pardon, j'ai une danseuse, » dit froidement le prince. Monsieur Ledru protesta. « Monseigneur, je ne souffrirai pas que... » « N'insistez pas, monsieur Ledru, » dit Étiole. « On ne propose pas de danseuse au prince. Il choisit qui bon lui semble. »« Ah !» murmura le financier contrarié. Et s'éloignant, il grommela. « Il est rudement malhonnête étant chez moi de ne pas choisir ma fille. » En voyant que la comtesse Moret dansait avec le prince royal, Geneviève Ledru fut profondément irritée et froissée dans son amour-propre de parvenue. Elle conduisit avec Luxeuil le cotillon qui d'ailleurs ne fut ni long ni gai. Le manque de jeunes filles attriste un bal, et sauf la maîtresse de la maison, il n'y avait pas une seule jeune fille. Dans ce monde irrégulier, les mères dissimulent leurs filles pour se rajeunir, ou du moins ne les amènent pas sur le théâtre de leur succès. Le respect de l'enfant, sinon de soi-même, est un sentiment qui survit malgré tout dans les âmes les plus dépravées. Madame de Villefranche ne conduit sa fille élevée aux oiseaux que dans un monde irréprochable. Madame de Jurieux a confié la sienne à sa mère, qui habite la campagne, et toutes les femmes de ce même milieu se gardent d'y produire leurs enfants. Les quelques braves bourgeois qui n'ont pas tourné le dos à l'ex-notaire et vont chez lui par curiosité, pour y entrevoir ce qu'ils prennent pour le monde élégant, n'y amèneraient pour rien au monde leur progéniture. Le reste des invités est un bizarre mélange d'artistes, de boursiers, agents d'affaires, espagnols, russes, hongrois et polonais, chez lesquels la jeune fille, la vraie, n'existe pas. Le polonais domine chez le président de l'Alliance universelle. On y rencontre tant de comtesses polonaises et d'infortunés princes de même nationalité, opprimés, dépossédés, etc., etc., qu'on se demande, en voyant rouler ce flot, comment il reste encore des habitants dans le pays. Après le cotillon, on soupait à de petites tables de 2 et 4 couverts, mais Josette désira partir. À son grand étonnement, M. Moret ne fit aucune objection, et au lieu de rester comme elle s'y attendait, en disant de lui renvoyer la voiture, il se disposa à l'accompagner. Tandis que le comte saluait Geneviève, la jeune fille demanda rapidement à voix basse, « Vous ne savez rien ?»« Non, » répondit M. Moret. « Que complotez-vous donc là ?» fit M. Ledru s'approchant d'eux. « Allons, Geneviève, la comtesse attend. Et ce cher Moret est obligé de se lever de bonne heure pour prendre le train demain matin. »« Mais vous aussi, j'espère, » dit M. Moret, redoutant que le financier ne fût retenu à Paris par la crainte d'un désastre quelconque. La réponse de M. Ledru le rassura. « Certainement, moi aussi. Je serai le premier arrivé à la gare du Nord. Vous verrez ça. » Pendant que le comte prenait congé de monsieur et de mademoiselle Ledru, Pierre de la Fère emballait Josette dans sa longue pelisse de velours gris argent doublée de renard bleu. « Bonsoir, » dit-elle en lui tendant la main. Pierre prit la main de la jeune femme et la baisa, un peu plus longuement peut-être que ne le permet l'absolue correction. Josette ressentit une impression étrange. La chaleur de ce baiser la pénétra profondément. Elle frissonna, ferma les yeux à demi, et énervée, s'adressant à M. Moret, qui s'empressait de passer son par-dessus, « Allons, vite, il y a très longtemps que j'attends. »« Vous n'êtes pas aimable pour M. de la Fère qui vous tenait compagnie, » dit en riant M. Moret. Josette descendait l'escalier, elle se retourna. « Je l'aime trop pour être aimable pour lui. » Et de l'éventail, elle adressa à Pierre, penché sur la rampe, un signe d'adieu. Dès qu'ils furent montés en voiture, M. Moret dit à la comtesse « Ma chère Josette, j'ai une requête à vous adresser. J'espère que vous voudrez bien y faire droit. Quelle est cette requête ? Je serai très heureux de vous voir la battue de demain. « Moi ? » fit-elle stupéfaite. « Oui, vous. Mais vous n'y songez pas. Vous savez bien que jamais... » « Jamais, c'est entendu, mais demain. » « Ça serait parfaitement ridicule. Je ne chasse pas ordinairement. J'aurais l'air d'aller à cette battue pour le prince. » « Si, cependant, je vous priais, formellement, de m'accompagner, » dit le comte d'un ton sec. Josette dressa brusquement l'oreille. « Hein ? Qu'est-ce que vous avez dit ?»« Je dis que j'ai demain une raison sérieuse de désirer votre présence à cette chasse. »« Eh bien, dites quelle est cette raison, et si elle est bonne, permettez-moi d'être seul juge de cela. »« Permettez-moi dans ce cas de n'accorder aucune attention à ce caprice. »« Josette !» s'écria M. Moret. « Prenez garde !»« À quoi ? » demanda-t-elle tranquillement. Le comte allait s'emporter, oubliant son flegme de commande, mais il se contint. Il connaissait assez le caractère de Josette pour savoir qu'il n'obtiendrait rien d'elle. Il se tut et dit bonsoir à sa femme sans insister davantage. Rentré chez lui, Paul Moret fut surpris de se sentir aussi préoccupé. Les paroles du domino lui revenaient continuellement à l'esprit. « Ta femme te trompe avec André. » Ainsi, cette Josette, en qui il avait eu toujours une absolue confiance, le trompait. Était-ce possible ? Cette découverte lui causait une vive humiliation plutôt qu'un chagrin réel. M. Moret avait adoré sa femme, il ne l'avait jamais aimée, mais l'idée d'être un mari trompé le bouleversait. En réfléchissant, il s'avoue qu'il a bien fait de tout ce qu'il fallait pour en arriver là. Non seulement il a trompé Josette, mais il l'a abandonnée à elle-même. Il était facile de prévoir que l'isolement moral, dans lequel elle vit dans ce milieu antipathique à sa nature et à ses goûts, finirait un jour par la lasser. Elle s'était mariée, confiante, aimante, mais voulant tout à elle l'affection à laquelle elle avait droit. Plus tard, elle avait accepté bravement l'abandon absolu et malgré le continuel affront infligé par la scandaleuse conduite de son mari, elle avait, par sa grande dignité de vie, fait respecter la maison qu'il ne respectait pas. Il se montrait en public avec des filles, risquant de rencontrer sa femme à chaque instant, et lui imposait les étrangères et les déclassés, objets de ses caprices passagers. Josette ne pouvait rien ignorer, et elle pardonnait, ou du moins, ne se plaignait jamais. Il a été aveugle et fou, elle se venge, c'était fatal. Mais c'est surtout contre André qu'une sourde colère s'amasse dans l'âme de M. Moret. Lui, un ami d'enfance, il a abusé de la confiance avec laquelle on lui ouvrait les portes à deux battants. Car le domino a dit vrai. À l'instant, le comte vient d'en acquérir la preuve. Josette a formellement refusé de l'accompagner à cette battue, et pendant la soirée, André s'est excusé de ne pouvoir y assister comme c'était convenu. Sans nul doute, il compte se voir aujourd'hui, plus librement encore. Et il ne peut pas les surveiller. Il faut faire les honneurs de la chasse. Sans la présence du prince royal, il prierait M. de Scaer de le remplacer, mais à cause du prince, c'est impossible. D'ailleurs, il ne veut pas s'abaisser à vérifier. Au fait, que fera-t-il ? S'il aborde franchement la question avec Josette, elle lui répondra en lui rappelant qu'au début de leur mariage, lorsqu'il voulait s'affranchir des conventions sociales, il lui a souvent répété que dans les ménages élégants, on ne devait pas être tout le temps sur le dos l'un de l'autre. Qu'il était tout naturel que chacun vécût de son côté. Qu'elle avait grand tort de se choquer des irrégularités de vie de ses amis, etc., etc., etc. Il put aussi se battre avec M. de Lalonde, c'est-à-dire se couvrir de ridicule, en apprenant bruyamment à tout Paris que sa femme le trompe, tandis qu'à l'heure présente, quelques personnes seulement, sans doute. Il faut cependant qu'il se venge de cet homme qui lui a pris Josette. Car depuis qu'il croit que sa femme est la maîtresse de M. de Lalonde, une bouffée d'amour brutal lui monte au cerveau. Il revoit Josette, insolemment belle dans son costume de gitane, et il reconnaît que pas une des femmes qui étaient à cette fête ne peut lui être comparée. Certes, Geneviève Ledru est jolie, mais pas comme Josette. Pourquoi l'a-t-il délaissée? Et cherchant à s'excuser, André aussi la délaisse. Ce soir, il ne s'est occupé que de Madame de Guibray. Comment l'atteindre, lui? Comment se venger de l'injure qu'il lui a faite? En ce moment, le comte serait capable de tout pour nuire à M. de Lalonde. Mais, son habileté bourgeoise reprenant le dessus, il comprend que pour mieux arriver à son but, il doit paraître ignorer ce qu'on lui a fait découvrir. Il continuera donc à accueillir aimablement, comme par le passé, l'ami d'enfance de Josette. Si l'occasion de se venger ne se présente pas d'elle-même, il saura la faire naître. Et un peu calmé, M. Moret sonna son valet de chambre, qu'il avait d'abord renvoyé, prit une douche, jongla élégamment avec de mignons haltères et s'étendit sur son lit en attendant l'heure du départ.